Le calumet de la paix, imité de Longfellow. Or Gitche Manito, le maître de la vie, le puissant, descendit dans la verte prairie, dans l'immense prairie aux coteaux montueux, et là, sur les rochers de la rouge carrière, dominant tout l'espace et baigné de lumière, il se tenait debout, vaste et majestueux. Alors il convoqua les peuples innombrables, plus nombreux que ne sont les herbes et les sables. Avec sa main terrible, il rompit un morceau du rocher, dont il fit une pipe superbe, puis, au bord du ruisseau, dans une énorme gerbe, pour s'en faire un tuyau, choisit un long roseau. Pour labourer, il prit au saule son écorce, et lui, le Tout-Puissant, créateur de la force, debout, il alluma, comme un divin fanal, la pipe de la paix. Debout sur la carrière, il fumait, droit, superbe et baigné de lumière. Or, pour les nations, c'était le grand signal. Et lentement montait la divine fumée dans l'air doux du matin, onduleux, embaumé. Et d'abord, ce ne fut qu'un sillon ténébreux, puis la vapeur se fit plus bleue et plus épaisse, puis blanchit et montait, et grossissant sans cesse, elle alla se briser au dur plafond des cieux. Des plus lointains sommets des montagnes rocheuses, depuis les lacs du nord, aux ondes tapageuses, depuis Tawasenta, le vallon sans pareil, jusqu'à Tuscaloosa, la forêt parfumée. Tous virent le signal et l'immense fumée montant paisiblement dans le matin vermeil. Les prophètes disaient « Voyez-vous cette bande de vapeur qui, semblable à la main qui commande, oscille et se détache en noir sur le soleil ?» C'est Gitche Manito, le maître de la vie, qui dit aux quatre coins de l'immense prairie: « Je vous convoque tous, guerriers, à mon conseil. » Par le chemin des eaux, par la route des plaines, par les quatre côtés d'où soufflent les haleines du vent, tous les guerriers de chaque tribu, tous, comprenant le signal du nuage qui bouge, vinrent docilement à la carrière rouge où Gitche Manito leur donnait rendez-vous. Les guerriers se tenaient sur la verte prairie, tous équipés en guerre, et la minagerie, bariolée ainsi qu'un feuillage automnal, et la haine qui fait combattre tous les êtres, la haine qui brûlait les yeux de leurs ancêtres, incendiait encore leurs yeux d'un feu fatal. Et leurs yeux étaient pleins de haine héréditaire. Or Gitche Manito, le maître de la terre, les considérait tous avec compassion. Comme un père très bon, ennemi du désordre, qui voit ses chers petits batailler et se mordre, tel Gitche Manito pour toute nation. Il étendit sur eux sa puissante main droite pour subjuguer leur cœur et leur nature étroite, pour rafraîchir leur fièvre à l'ombre de sa main. Puis il leur dit, avec sa voix majestueuse, comparable à la voix d'une eau tumultueuse qui tombe et rend un son monstrueux, surhumain. 2. Ô ma postérité, déplorable chérie, ô mes fils, écoutez la divine raison. C'est Gitche Manito, le maître de la vie, qui vous parle. Celui qui, dans votre patrie, a mis l'ours, le castor, le renne et le bison. Je vous ai fait la chasse et la pêche facile. Pourquoi donc le chasseur devient-il assassin? Le marais fut par moi peuplé de volatiles. Pourquoi n'êtes-vous pas content, fils indocile? Pourquoi l'homme fait-il la chasse à son voisin? Je suis vraiment bien las de vos horribles guerres. Vos prières, vos vœux même sont des forfaits. Le péril est, pour vous, dans vos humeurs contraires, et c'est dans l'union qu'est votre force. En frères, vivez donc, et sachez vous maintenir en paix. Bientôt vous recevrez de ma main un prophète qui viendra vous instruire et souffrir avec vous. Sa parole fera de la vie une fête, mais si vous méprisez sa sagesse parfaite, pauvres enfants maudits, vous disparaîtrez tous. Effacez dans le flanc vos couleurs meurtrières. Les roseaux sont nombreux et le roc est épais. Chacun en peut tirer sa pipe. Plus de guerre, plus de sang. Désormais, vivez comme des frères et tous, unis, fumez le calumet de la paix. III. Et soudain, tous, jetant leurs armes sur la terre, lavent dans le ruisseau les couleurs de la guerre qui luisaient sur leur front cruel et triomphant. Chacun creuse une pipe et cueille sur la rive un long roseau qu'avec adresse il enjolive. Et l'esprit souriant à ses pauvres enfants. Chacun s'en retourna, l'âme calme et ravie, et Gitchemanito, le maître de la vie, remonta par la porte entr'ouverte des cieux. À travers la vapeur splendide du nuage, le Tout-Puissant montait, content de son ouvrage, immense, parfumé, sublime, radieux.